Il y a un philosophe, je me rappelle plus, je pense que c'était un chinois, qui disait que il y avait juste l'univers était constitué d'une seule particule qui oscillait tellement rapidement que tout le paysage était dessiné par un grain de riz. Donc, tout l'univers était contenu dans un grain de riz qui, ça peut sembler fou, mais c'est une façon de parler quelque chose qui se dit pas, qui se parle pas. Mais oui, tout est oscillé. Vous savez, l'oscillation crée l'espace. Elle crée le mouvement. Le mouvement crée l'espace. C'est pour ça, là, je vous parlais, les principes contraction, expansion. C'est comme, comment qu'ils appellent ça, les rabbins. Tim, tum. Tum, tim. C'est-à-dire que l'univers crée de l'espace en se rétractant en lui-même, ce qui engendre une expansion. Puis, ça, c'est une expression de l'oscillation.